posé en bas, je vois les condés qu'embarquent dans les yeux des recharges, donc le beau ça se remplace, ça continue, la bibi est rentable, midi, minuit, la rue te donne le rencard, pas de mytho que des mecs du mitard, qui trop pico accompagné de son tard, la rue c'est réel, Yankee à la chaîne, t'as pas la peuf, n'est pas la haine, on nique que les cœurs depuis la maternelle, ça respecte Saint-Père Yankee, tient à la mêle, rue de Marseille, ma deuxième demoiselle, ça charbonne l'hiver pour se barrer au soleil, chacun sa limite, chacun sa frontière, si tu pètes le Yankee canon, tu vas sentir, lève ta visière quand tu rentres dans la zone, le terrain est miné, y'a les condés qui rôdent, le guetteur est posé, c'est lui qui dit, ouais ça passe, y'a les condés, y'a les stars, y'a les condés, y'a les stars, y'a les condés, y'a les stars, et les guetteurs crient, ouais ça passe, y'a les condés, y'a les stars, y'a les condés, y'a les stars, y'a les condés, y'a les stars, et les guetteurs crient, le condé en quête, commission rogatoire, ça découpe, t'es moins laboratoire, cache ta peu cool, OPJ veut ta poire, c'est ambiancé, le gérant paye à boire, casquette capuchée du matin au soir, la sacoche faut bien la garder sur soi, ça crie sa poire jusqu'à se casser la voix, s'il y a des sangs normal, ça met les voiles, toi t'es dans le bec, on connaît pas ta pipe, page 24 dans mon check, c'est pas que dans mes clips, le harter a quitté son poste pour faire du i, je rappe la cité et tu connais les risques, 96 heures n'avoue pas le crime, si ta bouquine ne revient pas dans la ville, lève ta visière quand tu rentres dans la zone, le terrain est miné, y'a les condés qui rôdent, le guetteur est posé, c'est lui qui dit, ouais ça passe.